comprend très bien les gens d'être heureux, d'avoir des emplois pour la durée du projet, mais qu'est-ce qui va se passer après? On manque de logements sociaux en région. Il n'y a pas encore d'abattoir pour permettre qu'on mange notre viande qui est produite ici en région. S'il y avait un meilleur partage de ces richesses-là, peut-être là, qu'on pourrait avoir des sous et que ça pourrait nous permettre d'avoir un développement plus durable.